네, 졸리더라. 아니. cassette est bientôt finie. Cette cassette est bientôt finie. Cette cassette est bientôt finie. Cette cassette est bien finie. Cette cassette est bientôt finie. Cette cassette est finie.